Moi je suis personne, j'aimerais avoir un prix Nobel. J'étale ma noblesse, je représente ceux qui trient mon bled. Rien ne m'empêche de rapper, je travaille à mon rythme. J'espère que dans les jours à venir, dans le rap on sera les favoris. On se donne les moyens vu qu'il y a encore de l'espoir. Je m'en tape si dans la rue les tatas me reconnaissent pas. Je te parle du fond de mes tripes, quand je me lâche une boule de nerf. C'est pas ce qu'on peut faire, nous on n'est pas de ces groupes de merde. Tu connais le blaze, Zaka, les sales bactéries. On s'infiltre partout, c'est comme ça qu'on nous caractérise. Ici les KRA périssent, je compte pas en faire autant. J'ai ma vision des choses, je te dirai pas ce que tu préfères entendre. Fidèle à moi-même pour mes raps, c'est vrai que je radote. Normal, c'est pas ce qui me rapporte, prends ça comme un gros ras-le-bol. En gros, je me rapproche de mes buts, donc je croise les doigts. Je compte persévérer, je lâcherai pas pour quoi que ce soit. Zaka, we rap 2007, ça sort du fond des tripes. Le chapitre cette année, c'est les Zaka qui vont l'écrire. On se fait des savoirs, quel tiroir ils vont nous mettre. On donne tout et ce qu'on dit, ça sort du plus profond de nous-mêmes. C'est une vie qu'on parle, ni plus ni moins, y'a pas de mytho. Et ça ramène 3 ans, faut nous classer parmi d'autres. Du plus profond de nous-mêmes, on réclame de l'attention. On rêve la rançon, vu l'ancienneté qu'on a dans le son. On veut croquer la vie, lui mordre le poids plein dents. Les murs sont plus épais que moi, ça m'empêche pas taper dedans. J'suis resté debout même quand les coups tombent pas la fraîche. Trop conscient de ma chance pour me balancer par la fenêtre. J'aime pas les voyous qui vont jouer les barreaux. Car on a vu des poids lourds sortir dans les boyaux. J'veux pas m'en sortir à base de coups de chat. J'veux pas finir à la street dans mon sac de couchage. J'vais quitter la capitale si j'goûte à la vie star. Prends ma part de la pizza puis hasta la vista. Quand j'suis pas dans mon assiette, j'me dis que j'dois carburer. J'relève la tête et j'la plonge pas dans ma purée. Au plus profond de moi, j'sais qu'il me reste tout à fonder. La vie me fout des patates mais j'ai les couilles pour l'affronter. J'ai plus de cran d'arrêt, planqué dans ma doudoune. J'ai trop maté en arrière, maintenant j'attends que la roue. Zaka, we rap 2007, ça sort du fond des tripes. Le chapitre cette année, c'est les Zaka qui vont l'écrire. On se fout de savoir dans quel tiroir ils vont nous mettre. On donne tout et ce qu'on dit, ça sort du plus profond de nous-mêmes. C'est de nos vies qu'on parle, ni plus ni moins, y'a pas de mytho. Et ça rappelle 3 ans avant de nous classer parmi d'autres. Du plus profond de nous-mêmes, on réclame de l'attention. On rêve de la rançon, vu l'ancienneté qu'on a dans le son.